France Culture, nuit spéciale tourisme à Paris. Alors depuis le début de la nuit, nous nous sommes donné un but, défendre le tourisme à Paris, faire venir les touristes à Paris. Et puisqu'on l'a dit, 47 millions de touristes français ou étrangers sont passés à Paris et dans sa petite couronne entre juillet 2013 et juin 2014. Des chiffres, bien sûr, hélas, qui peuvent diminuer en fonction des événements tragiques auxquels chacun pense. Alors, à minuit, Sylvain Patieu est venu nous parler de l'exposition dont il est le commissaire, Bon Baiser de Paris, 300 ans de tourisme dans la capitale, une exposition conçue par le comité d'histoire de la ville de Paris à la Galerie des bibliothèques de la ville de Paris. C'est jusqu'au 31 mars, 22 rue Malher, dans le 4e arrondissement de Paris. Une tribune de Paris, en 1947, se posait la question suivante. La France est-elle en mesure de recevoir ses amis étrangers? Paul Guimard animait ce débat sur la chaîne nationale. Il y a eu un reportage qui a suivi La vie d'un grand hôtel par Clara Candiani et Dolly Steiner. Le grand hôtel, c'était le Claridge. Et l'émission datait de 1950. Puis, à l'instant, nous avons pu entendre un lieu de mémoire que Jacques Fayet, en 1996, avait consacré au Moulin Rouge. Plus tard, nous écouterons André Siegfried dans une conférence donnée en 1954. Le sujet général de la série proposée dans le cadre de l'Université des Annales était « Aspects du XXe siècle » et le thème, choisi par ce sociologue et géographe, était « L'âge du tourisme ». Suivront les 6 premiers arrondissements de Paris vus par Léon-Paul Fargue. Ensuite, nous recevrons Philippe Mello pour 2 ouvrages consacrés à Paris, « Les Montmartrois », l'album de famille et « Les gastronomes parisiens » publié chez Omnibus. On écoutera aussi des décraqués Bertrand Jérôme qui s'intéressait au tourisme minimal. Et puis enfin, il y aura un deuxième lieu de mémoire qui nous fera passer une heure à la Coupole, à Montparnasse, donc une émission de Thierry Aveline. Bref, Paris, Paris, Paris, Paris, pour les touristes et puis pour les Parisiens, bien sûr. Claude Mignot, bonsoir. Philippe Garvie, bonsoir. Alors, est-ce que vous êtes parisien de naissance, vous, Claude Mignot? Pas tout à fait, né à Laon. Mon père était médecin des hôpitaux psychiatriques et il avait été nommé dans son premier poste à côté de Laon. Et vous êtes arrivé à Paris? Et je suis arrivé à Paris en 1954, mais plus exactement dans la banlieue parisienne, à l'est de Paris, Le Perreux-sur-Marne. Alors, est-ce que vous pensez qu'il faut être venir d'ailleurs, finalement, pour devenir un grand connaisseur de Paris? Parce que quand on arrive à Paris à l'adolescence ou après l'adolescence, finalement, on veut tout découvrir, on veut s'approprier Paris, sinon dominer Paris, mais enfin, ça, à nos deux Paris. Oui, je crois que j'ai découvert Paris en allant à 18 ans, tous les jours, pour me rendre au lycée Louis Grand, depuis la station de métro Hôtel de Ville. Et donc, je traversais la place de l'Hôtel de Ville, puis les deux bras de la Seine, la place, le parvis de Notre-Dame, et je montais la rue Saint-Jacques avec cette belle silhouette de la tour astronomique de la Sorbonne devant les yeux. Voilà, donc c'était mes premiers souvenirs, effectivement, du paysage parisien au quotidien. Est-ce que vous aviez l'impression, alors à ce moment-là, tout jeune, d'être un touriste à Paris, Claude Mignot? Non, je me sentais à Paris, étant dans la proche banlieue, je me sentais à Paris, même si j'étais dans ses marges, en quelque sorte. Est-ce qu'il y a une âme de touriste? Est-ce que ça veut dire quelque chose? Je serais bien en peine de définir cette expression d'âme du touriste, mais peut-être que je crois qu'il y a une double âme de touriste, c'est-à-dire celle de celui que je suis souvent lorsque je me rends dans une grande ville à l'étranger, et où mon grand plaisir, c'est en fait de déambuler seul dans la ville avec une carte et d'aller traverser la ville dans tous les sens et tout découvrir. Quand on est un peu fatigué, on peut prendre des bus, mais le piéton, c'est quand même la personne la plus apte à découvrir Paris, enfin toute ville, de façon la plus familière, la plus agréable possible. Alors. Et d'autre part, quand on revient sur Paris après une absence, ça c'est effectivement le vrai choc esthétique, on retrouve cette beauté qui s'était un peu estompée. Et brusquement, on est frappé par ces façades magnifiques, par ces toits, ces dômes, etc. Et ça, c'est un vrai choc quand on sort de la gare de Lyon et qu'on prend le métro aérien et qu'on voit ce paysage. Mais on se dit, mais c'est magnifique. J'avais oublié ça. C'est vrai, l'Italie, c'est magnifique, mais Paris quand même. Ça vaut la peine. Alors, vous avez parlé du piéton. Alors, on pense au piéton de Paris, Léon Paulfa, qu'on entendra plus tard donc raconter 6 arrondissements, les 6 premiers arrondissements de Paris. Alors, sa vision, c'est celle d'un écrivain. L'atmosphère, il sent, il écoute, parle les gens, il regarde les boutiques, mais pas plus haut que la boutique. Hein. Lui, les façades, les immeubles, finalement, ça l'intéresse pas tellement. Alors que vous, Claude Mignot, c'est sans doute votre passion, l'une de vos passions, puisque vous avez publié donc Paris sans façade remarquable chez Parigram. Oui, effectivement, j'avais cherché dans les textes de Fargue auxquels tout le monde pense des citations pour nourrir mes livres sur les façades parisiennes et rien. Et j'ai trouvé peu de choses, oui, peu de choses. Mais c'était significatif d'un certain regard depuis la glace de son bus vers le bas des façades. Mais je pense qu'effectivement, une façade, c'est l'ensemble. C'est le socle, c'est les boutiques, c'est les entresols très chargés de bossage, et puis c'est les étages, et puis en haut, le couronnement qui est toujours magnifique à Paris. Il faut inciter les touristes de français, étrangers, qui viennent à Paris, et dans toutes les villes sans doute, bien entendu, mais là c'est un tourisme à Paris, dont on est question cette nuit sur France Culture. Donc il faut inciter les touristes à lever le nez. Les façades racontent la ville, et puis peuvent participer à l'émerveillement. Ce qui est incroyable à Paris, c'est qu'effectivement, on a une ville qui a connu des strates successives depuis, disons, le XVIIe siècle, en fait. Ce qui est avant est très fragmentaire. Mais depuis le XVIIe siècle, le XVIIIe siècle, l'architecture rocaille, puis l'architecture Louis-Philippe, puis les rebondissements haussmanniens, puis la Belle Époque avec toutes ses variations. Il n'y a pas que l'art nouveau, il y a toutes les variations de la Belle Époque, puis l'art déco, l'architecture contemporaine. Il y a toutes ces strates qui se mêlent et qui réussissent à faire néanmoins un paysage assez cohérent, et c'est ce qui est frappant. Et je crois que c'est ce qui séduit les étrangers. Parce que tous sont quand même frappés par ce paysage. Même ceux qui sont les plus indifférents à l'architecture, je pense qu'ils ne peuvent pas ne pas remarquer cette beauté. Oui, mais on peut être frappé sans savoir finalement ce qui nous plaît, parce que on a l'impression d'aller vers les monuments, oui. Et puis que une rue qui nous mène à un monument, c'est une rue, c'est tout, c'est une façon d'aller d'un point à un autre. Alors que non, c'est ce qu'il y a, c'est que c'est si je puis dire très souvent de l'ordre de la reconnaissance. Quand on lit un livre qui cherche à expliquer pourquoi telle façade est belle, pourquoi elle doit être, pourquoi elle peut être remarquée, pourquoi elle est remarquable. Les gens souvent reconnaissent après coup, disent ah oui ça c'est vrai, je l'avais vu mais j'y pensais pas. C'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout il y a une familiarité, surtout pour les Parisiens de longue date, mais les touristes sont quand même des touristes assez spéciaux à Paris. C'est souvent des gens qui reviennent ou qui veulent garder une image indélébile qu'ils ramèneront chez eux. En quelque sorte. Ceux qui viennent de très loin, ils s'attachent à ça. Hein, alors que le Parisien peut passer sans regarder, finalement. Le Parisien peut passer sans regarder, mais en même temps, les conversations que j'ai eues avec mes lecteurs, si je puis dire, montrent que très souvent, les gens sont quand même familiers avec pas mal de choses. Mais même moi, je découvre. Je me dis, mais comment c'est impossible. Je n'ai pas vu qu'à cet angle, il y avait un immeuble qui avait ce détail remarquable. Vous êtes historien de l'architecture, professeur émérite de l'Université Paris-Sorbonne, et donc vous avez levé le nez, comme ça, depuis longtemps, puisque vous avez publié, donc, je l'ai dit, le Paris sans façade remarquable, chez Parigram, et vous aviez publié, chez le même éditeur, une grammaire des immeubles parisiens, 6 siècles de façades du Moyen-Âge à nos jours. Alors, c'est idéal, je pense, pour commencer cette lecture du Paris sans façade remarquable, parce que finalement... Pour apprécier quoi que ce soit, d'ailleurs, il faut avoir un minimum de vocabulaire. C'est le vocabulaire qui nous permet de comprendre ce que l'on voit. Alors la peinture, bien entendu. Peut-être que l'histoire biblique permet d'apprécier la peinture, on l'imagine. Mais peut-être que l'apprentissage, comme ça, la lecture d'une grammaire de l'architecture, eh bien, ça va nous permettre de nous dire, en effet, ça, c'est un portail. Qu'est-ce qu'il y a? Les marquises, les balcons. Ça, c'est un mot assez classique. Mais enfin, bon, les croisées, les saillies et couronnements, bow window, loggia, les façades ornées, les plinthes, les moulures, le refend. C'est quoi le refend? Le refend, c'est quand on creuse la pierre, on l'entaille pour faire une ligne, comme si c'était un joint, même si c'est pas un joint. Et donc ça permet de tracer un réseau cohérent, régulier, sur la surface de la pierre. Et ça donne l'impression d'un immeuble qui a été construit par de grands blocs. Alors quelquefois, c'est pas forcément de grands blocs. En tout cas, ils ne sont pas réguliers absolument. Et là, on crée un réseau parfaitement régulier de lignes parallèles avec quelquefois des joints verticaux, quelquefois aucun, pour justement souligner l'ampleur de ces lits superposés de pierre. Alors, est-ce que c'était tout cela était fait pour des raisons esthétiques ou, oui, bien sûr. Uniquement, il n'y a pas de raison pratique. Le refend n'a aucune raison pratique. D'accord. C'est un trait de dessin. Les atlantes et les cariatides, les mascarons, tout ça, c'est dans le décor là. C'est dans le décor. Ouais. C'est dans le décor, mais ça vient animer des éléments qui ont une fonction. Le mascaron vient généralement orner une clé qui est une clé d'arc au-dessus d'une arcade et donc qui vient bloquer l'arc qui le tient en haut et simplement justement à l'endroit qui est un point de blocage on met une figure, c'est-à-dire la chose la plus vivante qu'on puisse imaginer. Mais alors il y a bien quand même dans les façades parisiennes que vous avez remarquées et donc qui sont devenues remarquables grâce à vous Claude Bignot, il y a quand même des façades qui peuvent s'approcher de l'extravagance, sans doute. Il y en a, bien sûr. C'est vos préférés? En tout cas, c'était celle qu'il fallait préférer pour ce livre. Qu'est-ce qui est plus remarquable qu'une façade couverte entièrement de céramique colorée à motif naturaliste, comme celle qui fait l'objet de la couverture, cet immeuble de l'Avirote de l'avenue Rapp. C'est quelque chose, effectivement, très spectaculaire. Ou bien, derrière la gare du Nord, rue d'Abbeville, il y a un immeuble dont la travée centrale, qui constitue une sorte de bow window, qui est en saillie, est complètement couverte de grandes feuilles, de tiges de bambou qui montent sur 3 étages et dans lequel se logent des animaux, un hibou, un chat, je ne sais quoi encore. Voilà. Donc ça, c'est effectivement très, très spectaculaire. Et on vise à en quelque sorte trancher sur tout ce qui se fait. Ça, c'est évident. Mais vous, Claude Mignot, donc les photos, elles illustrent oui. Vos propos, votre science et votre appétit pour la promenade dans Paris et puis le goût de transmettre ce savoir. Mais est-ce que par exemple, si quelqu'un prenait une photo de Paris comme ça, vraiment resserrée, c'est-à-dire simplement sur une façade que vous ne connaissez pas, est-ce que vous pourriez dire à mon avis, c'est dans tel arrondissement, tel quartier, parce qu'à telle époque, on allait vers telle décoration. Alors, je pense que ce serait plus facile de dire à telle époque que de dire dans tel quartier, parce que il y a des quartiers qui sont à peu près impossibles. Il y a pas vraiment on les connaîtrait, de grandes façades couvertes de céramique Art Nouveau dans le premier arrondissement, mais des immeubles en briques décoratives, il y en a justement dans le premier arrondissement et dans le deuxième, et comme il y en a dans le 19e et le 20e. Donc malgré tout, l'architecture se renouvelant parcelle par parcelle, de façon tout à fait libre. Il faut obtenir un permis de construire, mais malgré tout, on n'interdit pas de bâtir pour des raisons esthétiques à Paris. Je crois qu'il y a très très peu d'exemples dans ce sens. Et donc, on peut bâtir à peu près ce qu'on veut dans Paris, sur une parcelle qu'on possède, et donc sont venus s'insérer même dans les quartiers centraux, où se concentrent là effectivement les immeubles rocailles. Par contre, il n'y aurait pas de façade rocaille dans le 20e, parce qu'un village comme Belleville n'était pas occupé par des propriétaires souhaitant avoir une grande façade rocaille. Par contre, dans les 4 premiers arrondissements, ou les 5 premiers, ou les 6 premiers, en tout cas les arrondissements anciens, sont venus s'interpeller des immeubles de l'Empire, des immeubles Louis-Philippe, des immeubles Art Nouveau, contemporains, comme nous le savons tous. Voilà. Donc, mais par contre, je crois qu'on peut assez facilement reconnaître, et c'était le but un peu de la grammaire que j'ai publiée en 2004, d'indiquer comment on pouvait reconnaître par un certain nombre de critères la date d'une façade qu'on ne connaissait pas. Et ça marchait assez bien parce que j'avais été invité à faire des lectures dans des librairies un petit peu partout dans Paris et on me demandait de faire une visite. Alors naturellement, il n'y avait pas spécialement à côté de la librairie d'immeubles correspondant à la palette d'immeubles que je montrais. Mais par contre, il y en avait. Il n'y avait pas ceux que j'avais choisis, mais il y en avait d'autres. On pouvait les trouver assez facilement. Et je crois que les habitués de ces librairies ont assez vite pu reconnaître autour de leur librairie préférée les beaux immeubles qui s'inséraient dans cette série que j'avais balisée en quelque sorte. Alors vous dites beaux immeubles, mais vous écrivez, et c'est le sujet de votre livre, Claude Mignot, sans façade remarquable. Oui, alors finalement, vous n'avez pas choisi la beauté en architecture. Et voilà, ce n'est qu'un critère, effectivement, remarquable, parce que en fait, j'ai pensé d'abord aux façades atypiques. Donc celles dont vous veniez de parler, les façades les plus extraordinaires, avec leur céramique, etc., qu'on a évoqué il y a un instant. Donc il y a toute une série de façades où l'immeuble contemporain de la rue Pelleport, vous savez, qui est rouge, constitué en, voilà, tout en haut de Ménilmontant, constitué par ces lamelles de béton coloré, très très spectaculaire. On a là quelque chose effectivement qui ne ressemble à rien, même si ça s'insère dans un courant de l'architecture contemporaine, l'architecture déconstruite, cette première famille des façades atypiques. Voilà. Bon, alors ensuite la deuxième famille que j'ai voulu retenir, c'était les façades prototypes. C'est-à-dire celles dans lesquelles apparaissait pour la première fois un motif important de l'immeuble. La première façade avec un bow window, par exemple. Tout le monde connaît des bow windows. Où se trouve la première façade avec bow window? Alors, cette espèce d'avancée comme ça. Voilà, et qui est une date importante parce que c'était interdit de faire des bow windows. Jusqu'en 1882, où on a voulu autoriser des saillies créant une certaine variété dans les rues. Les rues haussmanniennes étant critiquées pour leur monotonie, oui, parce qu'il y a un peu désespérante. Hein, des règlements très stricts. Vous dites on peut construire ce qu'on veut si on est propriétaire d'une parcelle. Mais à l'intérieur d'un gabarit précis. Voilà, oui, voilà. En respectant sans trop de saillie. Bon, oui. Pas trop en avant sur la rue. Et en 82, on a libéré, d'une certaine manière, limitée, mais quand même significative, on pouvait faire des constructions légères sur les balcons. Donc le bow window apparaît, en fait, boulevard de Port-Royal, 88 boulevard de Port-Royal. Vous irez si vous ne connaissez pas cet immeuble, parce que il faut le voir de près, parce que c'est comme des constructions de serres de jardin. Il y a une sorte de petite caisse en bois, en bas, puis des montants de fer, du verre, et au-dessus, encore, dans une forme un peu différente, toujours une sorte de caisson de bois, puis ces cadres métalliques dans lesquels s'insère le verre. C'est comme une serre, en quelque sorte, en saillie sur la façade. C'est devenu un motif extraordinaire de l'architecture parisienne. Ça s'est imposé et ensuite on a autorisé les bow windows en pierre, en briques, et donc, alors qu'au début c'était seulement, ça devait être démontable. Ah oui. Mais c'était décoratif ou c'était simplement pour gagner des mètres carrés quand même ? Non, je pense que c'était à la fois décoratif. On voulait créer une variété plaisante sur la façade. On voulait jouir justement de la vue du balcon à l'abri de la pluie. Donc ça, c'est le cas des jardins d'hiver ou des serres qu'on peut avoir dans des maisons de campagne. Et on voulait avoir aussi cet avantage de façon réduite dans un immeuble de rapport. Dans son appartement, on a un petit jardin d'hiver. Mmh. Chacun a son jardin d'hiver. Voilà. Donc ça c'est un prototype. Mais ça peut être aussi la première fois qu'on a fait les loggias en couronnement. Vous voyez, ces portiques qu'on aperçoit en haut des immeubles, une, deux, le plus souvent trois arcades, le plus souvent entre deux bow windows, qui constituent donc une sorte de petit passage ouvert sur l'extérieur, un portique, mais qui naturellement n'a pas seulement sa fonction de portique, c'est surtout en fait un motif qui se veut élégant, qui crée une animation dans la partie haute des immeubles et qui s'est développé notamment quand on a introduit les ascenseurs. Voilà, c'est ça. Si, sans ascenseur, on va pas construire joliment. Exactement. Au dernier et donc étage. Voilà un critère qui permet de dater avant, après. Après et avant l'ascenseur. Ah, voilà, enfin, exactement. Les parties hautes se développent, deviennent variées avec des dômes, des tourelles, toutes sortes de dispositions et c'est le loggia. Et des terrasses aussi. Des terrasses, évidemment. Dans les années 20, on a développé beaucoup des terrasses. Et puis aujourd'hui, des jardins plantés, comme vous savez, même depuis un petit moment, des jardins plantés importants dans les parties hautes des immeubles. Alors, vous parlez des 100 façades remarquables de Paris, Claude Mignot, dans ce livre publié chez Paris Gramme. Et puis, il y a votre grammaire, enfin, la grammaire des immeubles parisiens qui sert vraiment le touriste que nous sommes tous, parce qu'on se promène. Alors, c'est pas... On ne peut pas dire qu'on se souvienne toujours de tous vos... Parce que si on n'a pas fait d'études d'architecture, ouais, c'est quand même un petit peu difficile. Il y a un vocabulaire qui est très, ouais, particulier, comme dans tous les milieux, ouais, tous les univers. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est qu'après, si on est un promeneur, si on est un piéton, si on aime avant tout, plutôt que dans entrer finalement dans les musées ou voilà. Et si on aime se promener dans les rues, on peut trouver nous-mêmes nos 100 autres façades. Tout à fait. Remarquables. J'y invite absolument les lecteurs parce que en fait j'ai eu le plus grand mal à ne retenir que 100 façades. Oui, j'imagine. Parce que vous en avez déjà montré beaucoup dans le livre. Voilà, donc il fallait pas remontrer toutes celles qui étaient de l'autre côté, même s'il fallait en prendre quelques-unes parce que c'était le lecteur serait dit mais comment est-ce possible de ne pas avoir remarqué cette façade en gradin, par exemple. Oui, absolument. L'immeuble de Sauvage de la rue Vavin, il était impossible de ne pas l'inclure dans cette anthologie. Mais le plus souvent, on cherchait des alternatives, c'est-à-dire quelque chose qui représentait le même courant stylistique, le même parti architectural, mais qui était ailleurs. Donc ça c'était un critère. Et d'autre part, la troisième famille de façades qui se trouve dans cette anthologie, après, ce sont des prototypes. Atypiques et prototypes. Et prototypes, il y a les types, tout simplement, typiques. C'est-à-dire qu'il y a des familles entières d'immeubles haussmanniens qui sont de très haute qualité. Ça, c'est Paris. Mais les immeubles post-haussmanniens sont aussi tout à fait parisiens, etc., etc. Les immeubles rocailles, mais vous en avez partout, dans le 4e arrondissement, mais plus encore dans le 5e, dans le 6e. Vous avez trop pour mettre dans une anthologie comme ça, hein, qui est limitée. Et donc, chacun pourra effectivement se dire, en se promenant dans le quartier des Halles, ah tiens, mais dans cette rue étroite où on ne peut pas photographier la façade, il y a une façade rocaille qui vaut vraiment la peine. Vous voyez, donc chacun est invité, et même moi, je veux dire, je me suis amusé d'ailleurs à inclure une 101e façade. Oui, alors c'est la dernière, c'est rue... Rue Morère. Voilà. Rue Morère, qui est une façade assez extraordinaire, dans une rue que personne ne visite parce qu'elle est juste contre le parallèle au boulevard périphérique. Et elle est autour de 1900, donc ça faisait encore une façade de cette époque. Donc je voulais pas trop charger la barque du côté de l'art nouveau, mais elle est tout à fait atypique. Il y en a d'autres encore. Alors, qu'a-t-elle d'atypique? Parce qu'on n'est pas... Moi, je la vois, mais je vois la photo, mais tout le monde ne la voit pas. Les formes des fenêtres, par exemple, sont c'est pas des fenêtres rectangulaires comme ailleurs. Hein. Vous avez des fenêtres ovales, vous avez une découpe des verres qui est assez compliquée, d'ailleurs qui doit causer des soucis aux propriétaires quand il faut les changer. Une dominante de bleu dans la couleur. Et puis, il n'y a pas tellement d'ornement en fait. C'est plus un vocabulaire abstrait de moulure qui construit la façade. Mais alors, toutes ces façades racontent la vie de Paris. Exactement. Mais est-ce qu'elles racontent la vie des habitants? Claude Mignot, on n'en sait rien. Les façades, quelquefois, suggèrent le goût des habitants. Ça se voit surtout... ça se voit un peu dès les immeubles anciens. Parce que à la même époque, dans la même rue, côte à côte, vous avez des immeubles apparemment de même qualité, bâtis en pierre de taille, de 2 ou 3 travées, avec une grande porte menuisée décorée de quelques ornements rocailles. Et côte à côte, vous en avez une qui n'a comme ornement rocaille que la porte menuisée, et le reste, c'est nu, c'est simplement les lignes architecturales, les bandeaux plats qui séparent les étages, les bandeaux qui entourent les fenêtres, très simple. Et à côté, une façade où on ne sait plus à mettre au-dessus des fenêtres un ornement, une coquille rocaille, un mascaron au-dessus de la porte et multiplier les ornements. Donc là, visiblement, il y a un propriétaire qui a voulu en jeter et quelqu'un qui, au contraire, a voulu rester sobre. Si une façade parisienne raconte l'histoire des habitants, c'est des premiers habitants, si tant est qu'ils aient demandé à l'architecte, je veux ça À cette époque-là, malgré tout, les propriétaires sont quand même assez directifs. Aucun architecte ne peut se permettre d'introduire, à mon avis, des ornements, des coquilles et des mascarons sans l'accord du propriétaire parce que c'est... Hop, 30 livres, 50 livres, 100 livres, voilà, ça coûte. Donc, il faut que le propriétaire accepte de dépenser de l'argent pour faire une façade ornée. Et ce qui est orné peut plaire ou déplaire. C'est-à-dire qu'il y a des époques où on n'aime pas l'ornement et des époques où on l'adore. Et donc, vous connaissez ces alternances de goût. Hein, on a un moment détesté l'art nouveau parce que c'était justement trop chargé, trop orné, trop coloré. Et on est allé vers les volumes purs, puristes, blancs, sans autres ornements que des balcons très simples, de l'art déco. Ensuite, on est revenu, et j'ai connu dans les années, à la fin des années 60, la redécouverte passionnée de l'art déco par ma génération. Et puis, un peu après, on s'est mis à s'intéresser aussi aux architectures haussmanniennes, que personne n'aimait, il faut bien dire, il y a un demi-siècle. Parce que c'était monotone, bourgeois, en plus c'était tout noir, donc c'était pas très attractif. Alors c'est vrai que ces façades racontent la vie des premiers habitants ou des propriétaires qui ont commandé finalement à des architectes telle façade. Après tout, peu importe ce qui est à l'intérieur, l'appartement peut être quelconque, mais c'est quand même une façon de dire de s'afficher un petit peu. Alors pour y vivre 30-40 ans, et de même que les mêmes propriétaires feront construire un caveau, une tombe, dans les cimetières parisiens pour afficher leur pouvoir. Bien sûr. Donc on vit derrière les façades et ensuite on mourra. On a aussi une villa en bord de mer. On a aussi souvent une villa en bord de mer, ou à la campagne. Il y a aussi des façades qui ont l'air complètement provinciales à Paris. Il y a une façade normande. Celle-là est assez extraordinaire. Et pendant longtemps, je ne comprenais pas du tout cette architecture. Et en fait, il faut la comprendre. C'est dans quel arrondissement, là? C'est dans le 16e. C'est ça. C'est avenue Henri Martin. Pas loin de la radio, il faudra retourner voir. C'est des années 90, donc c'est au début de la deuxième partie. C'est en fait un lotissement fait par une grande dame, enfin une comtesse, je ne sais quoi, qui avait un grand terrain là. Et qui a fait bâtir trois séries d'immeubles, un immeuble en pan de bois, un immeuble en briques et pierres et un immeuble en pierre. Eh bien, c'est l'immeuble en pan de bois qui était le plus chic. Parce que c'était justement ce qui tranchait, ce qui a plu à cette dame. D'autant qu'à l'époque, on construisait à Auteuil, à Passy, pas mal de petits hôtels qui se donnaient l'allure de gentilhommières normandes. En pan de bois. Donc ça faisait partie du pittoresque apprécié à cette époque. Dans le hameau Boileau, il me semble. Voilà, tout à fait. Il y en avait beaucoup. Beaucoup ont disparu parce que c'était des hôtels particuliers, donc qui ont moins bien résisté que les immeubles de rapport à la spéculation foncière. Mais il y en avait beaucoup. Il en reste encore quelques-uns qui sont tout à fait intéressants et qui permettent d'expliquer cette architecture très étrange d'un grand immeuble de rapport qui a cependant cette particularité d'être en retrait de la rue. Il n'est pas à l'alignement de la rue, il est en retrait de la rue, qui présente ces pans de bois très spectaculaires. Oui. C'est vrai qu'on peut lire ce Paris sans façade remarquable, Claude Bignot, sans habiter Paris, sans venir à Paris et vérifier, parce qu'après tout, on passe des heures comme ça à lire vos analyses, l'historique de ces façades. Mais peut-être qu'un jour, quand même, il faut aller voir sur le terrain, touriste. Oui. Là, oui. Est-ce qu'existe toujours le concours de façades, des façades de la ville de Paris? Non, c'est fini. Mais c'est un épisode tout à fait intéressant. À vrai dire, c'est la ville de Bruxelles a été la première à lancer ce genre de concours dès 1872. Et c'est 20 ans après, en fait, que Paris se lance dans cette même expérience. En 1896, il y a une proposition pour faire ouvrir un concours entre les immeubles qui se bâtissent rue Réaumur, dans le prolongement de la rue Réaumur. Je crois que beaucoup de Parisiens, et peut-être même de provinciaux, parce que c'est une rue très animée, et d'étrangers qui viennent à Paris, connaissent cette rue. C'est une rue bordée de grands immeubles commerciaux très spectaculaires. Il y avait la presse. Il y avait le Petit Parisien dans un immeuble tout en métal qu'on trouve dans cette anthologie. Mais il y avait beaucoup d'entreprises, de magasins, de tissus, de textiles. Et donc, il y a des grandes façades très vitrées, qui sont au-dessus du rez-de-chaussée où était la vente, mais où il y avait des salles d'exposition et des ateliers, et au-dessus encore l'appartement du directeur. Donc il y avait absolument toute la firme se superposait comme ça dans l'immeuble. Et donc ils se juxtaposent. Et donc on a voulu soutenir la qualité de ces immeubles en les six gagnants. Il y avait une quarantaine d'immeubles qui pouvaient concourir. Les 6 gagnants étaient exemptés des droits de voirie. C'était pas grand-chose, mais enfin, ils ont présenté leur dossier. Mais surtout, le plus intéressant, c'est que ça conduit le conseil municipal à proposer qu'on crée un deuxième concours pour tout Paris, pour tous les immeubles de Paris. Et c'est celui-là, finalement, qu'on connaît le mieux, qui a tous les ans, donc de 1897 à enfin 98 à 1914, puis à nouveau dans les années 20 de façon plus épisodique, permis de couronner un certain nombre de ces façades. Mais alors il y a les façades donc Claude Mignot et que vous nous faites découvrir, que vous avez remarqué pour nous et puis qu'on va apprécier, qu'on va découvrir. Mais il y a en bas, les boutiques dont Léon Pelfargue parle plus, lui, il y a des boutiques parfois qui sont excessivement laides. En tout cas, donc, on se demande comment c'est possible qu'il y ait quand même, je sais pas, ça existe encore les bâtiments de France qui pourraient dire ça, c'est pas possible avec une façade aussi belle, un immeuble aussi, peu importe. Enfin, c'est pas l'ancienneté de l'immeuble qui en fait la beauté, mais il y a des lois pour. Normalement, il y a un contrôle justement par un architecte des bâtiments de France, d'une part, par la commission du Vieux Paris, d'autre part, qui conseille le maire sur ces questions. Sur les questions les plus importantes de ces transformations, mais ça ne fonctionne pas toujours, soit parce que la personne qui doit donner un avis n'est pas bien éclairée, si je puis dire, est mal éclairée, et d'autre part parce que ceux qui doivent prendre la décision peuvent la prendre pour d'autres raisons commerciales et ne pas voir l'importance de préserver ces détails qui paraissent simplement des tout petits détails pour quelqu'un qui ne regarde pas de près, qui n'est pas habitué à ce matériel très particulier que sont les moulurations, des devantures, etc. et qui pourtant participent de façon extrêmement forte à la beauté d'une ville. Si en Italie, les centres-villes historiques sont si beaux, c'est parce que il y a un contrôle extraordinaire de l'invasion commerciale dans l'espace de ces immeubles historiques. On a des grandes chaînes commerciales qui sont à peine apparentes sur une façade, alors que à Paris et dans beaucoup de villes de province, on est habitué à voir des enseignes envahir la façade. Et lorsqu'on refait ces enseignes, eh bien, elles ne sont pas toujours tenu autant qu'on le souhaiterait, enfin, en tout cas qu'un amoureux de ces façades le souhaiterait. Vous faites bien partie du comité, d'un comité Claude Mignot qui pourrait intervenir. Je fais partie actuellement de la commission du Vieux Paris, mais justement, il y a des échecs. L'immeuble du Louvre au Palais Royal va être refait. C'était l'occasion de ramener les menuiseries et les décors de cet immeuble à une vérité historique plus convenable à la qualité de la rue de Rivoli. Eh bien, je ne sais pourquoi l'architecte contemporain qui a été chargé de refaire ça a introduit une sorte de galette blanche à l'endroit où il y a des consoles classiques qui s'inscrivent dans l'architecture de ces immeubles de la rue de Rivoli et qui est en contradiction totale avec ce vocabulaire. Il y a une contradiction de vocabulaire qui est très gênante. Alors quand vous appelez le Louvre, c'est les grands magasins, l'ancien Louvre des antiquaires. Ah voilà. Ouais. Oui, voilà. Mmh. Bon, alors vous pourriez un jour, Claude Mignot, écrire Paris, les 100 façades les plus moches, peut-être, vous le ferez. Moi, je préfère quand même plutôt inciter à la beauté par la beauté que regretter que la beauté soit défigurée. Bon. Mais ça, c'est une question de tempérament. Alors, on va après vous, Claude Mignot, entendre donc André Siegfried dans une conférence sur le tourisme, puis Léon Pelfargue dans les arrondissements de Paris, puis Philippe Mello qui viendra parler, donc on l'a dit, de Montmartre et puis des gastronomes. Les Détraqués, un tourisme minimal par Bertrand Jérôme avec Emmanuel Brouillard. Et puis donc une émission sur un lieu de mémoire sur la coupole de Montparnasse. On a pu entendre un autre lieu de mémoire juste avant de vous rencontrer, Claude Mignot, sur le Moulin Rouge. Alors si entre le Moulin Rouge donc qui est au nord et la coupole qui est au sud, grosso modo, enfin voilà, le bas de Montmartre et Montparnasse, donc deux quartiers vraiment importants dans l'imagerie en tout cas parisienne et pour les touristes. peut-être que Montparnasse les moins aujourd'hui. Sur cette ligne-là, quelles sont les façades mon itinéraire. Oui. Alors, vous avez le droit de faire des détours. Si on part du Moulin Rouge, on a tout à côté un immeuble très spectaculaire qui est celui qui fait l'angle de la Place Blanche et du boulevard des Batignolles, avec un couronnement en dôme extrêmement spectaculaire et qui est un des points de la beauté des immeubles parisiens, c'est-à-dire ces dômes civils qui sont venus concurrencer à la fin du XIXe siècle les dômes des églises. Et dont deux se trouvent, enfin ou plutôt quatre peut-être, se trouvent tout près d'ici, tout près de la maison de la radio, au square Alboni. On a des grandes tourelles couronnées par des dômes qui en fait ont été bâties pour les touristes venant à l'exposition universelle et qui avaient pour vue la tour Eiffel. Voilà, c'est le square de Alboni, c'est vers le métro Passy. Métro Passy, voilà. Alors, si on continue du Moulin Rouge, moi, je descendrai par le quartier de la Nouvelle-Athènes, le square Saint-Georges, où il y a une superbe façade néo-renaissance chargée de toutes sortes d'ornements extrêmement spectaculaires. Puis, on peut continuer par la rue Montmartre. Et on a là, au numéro 95 ou 94, un immeuble bâti par un ingénieur qui a décidé de bâtir sans architecte et qui a fait un immeuble incroyable de deux travées, c'est-à-dire deux fenêtres seulement de large, avec une avancée sur une travée, en armature de fer, avec des briques vernissées de couleurs très vives, jaune, bleu, vert. C'est absolument magnifique. Mais c'est un tout petit immeuble qui vient s'insérer entre deux immeubles plus ordinaires, mais qui contribue justement à cette gaieté polychrome du paysage parisien. Ensuite, si on continue, ben on arrive sur la rue de Rivoli, avec ses arcades régulières. C'est la rue de Rivoli, dit Victor Hugo, je crois, pour se moquer de la monotonie de cette architecture, mais qui en même temps introduit dans le paysage parisien le confort des portiques, qui n'a pas vraiment pris à Paris. Il n'y a que très peu de façades avec un portique au rez-de-chaussée. La rue de Rivoli, la place des Vosges, mais ça n'a pas vraiment pris. Et on peut se demander si ce n'est pas le succès des passages qui fait qu'on a préféré les passages entièrement couverts aux portiques qui ouvrent quand même sur la pluie, sur le côté. En tout cas, on a, entre la rue Montmartre que j'évoquais et la rue de Rivoli, on a tout ce tissu de passages qui sont des antifaçades. Alors, traversons vite la Seine. Traversons la Seine, de l'autre côté, on peut monter par la rue Saint-André-des-Arts, où il y a des immeubles rocailles tout à fait magnifiques. Puis on monte vers le Luxembourg, où on peut passer devant l'immeuble de Sauvage, cet immeuble à terrasse que nous avons évoqué tout à l'heure, hein, avec ces céramiques blanches qu'on retrouve sur les murs du métro et les voûtes du métro, pour déboucher sur le boulevard du Montparnasse, où on a des immeubles 1930 assez spectaculaires, même s'ils sont justement de cette belle simplicité dont nous avons parlé également tout à l'heure. Bon, ça fait un très bel itinéraire. Toutes ces façades sont dans Paris sans façade remarquable, Claude Mignot. Oui, à peu près, bon. Directement ou indirectement, voilà, tout à fait. Eh bien, on va vérifier ça on va vérifier ça. C'est chez Parigramme, ainsi que votre grammaire des immeubles parisiens, 6 siècles de façades du Moyen-Âge à nos jours. Parce que je crois que les deux livres sont très complémentaires. Il faut savoir de ce que l'on voit et il faut lever le nez, et les touristes, grâce à vous, vont le faire. Vous aimez Paris, bien entendu? Bien entendu. Alors, Frank Sinatra aussi l'aimait beaucoup. Merci Claude Mignot. Merci Philippe Garbi. I love Paris in the springtime. I love Paris in the fall. I love Paris in the winter when it drizzles. I love Paris in the summer when it sizzles. I love Paris every moment every moment of the year. I love Paris. Why do I love Paris? Because my love is here. I love Paris every moment. Because my love is here. She's there, she's everywhere, but she's really here.